Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et pour les auditeurs qui se joignent à nous, nous sommes en pleine émission spéciale Nord avec les membres de l'équipe de Sentinelle Nord, une stratégie de recherche menée par des chercheurs de l'Université Laval pour comprendre comment les changements climatiques transforment le Nord, quelles sont les conséquences sur l'environnement, les écosystèmes et les populations humaines qui vivent dans ces milieux-là. Alors, on a vu avant la pause comment le projet Bond pouvait permettre de suivre les émissions de gaz comme le méthane dans les écosystèmes. On va voir maintenant comment ces changements au sein des écosystèmes perturbent la vie. On va le voir avec le professeur Michel Allard. Il est professeur à la faculté de foresterie, géographie et de géomatique. Bonjour, monsieur Allard. Bonjour. Alors, vous êtes co-chercheur d'un projet qui s'appelle « Suivi environnemental et valorisation dans le Nord des molécules aux micro-organismes ». Donc, on comprend que vous allez faire un suivi de ces micro-organismes qui vivent dans certains milieux et vous allez le faire avec des capteurs optiques, vous aussi? Les capteurs optiques ne sont pas exclus dans toute la panoplie de nos outils, mais en particulier, je participe à un projet dans lequel une nouvelle instrumentation est développée qui s'appelle l'éco-chip ou encore peut-être l'éco-puce. Oui. Et en fait, c'est un instrument qui est développé par un groupe très intéressant et un groupe nombreux et très transdisciplinaire de l'Université Laval, impliquant des gens de génie chimique, de métallurgie, d'optique photonique et laser, et bien sûr de santé, de médecine et de microbiologie, et aussi des spécialistes d'analyse de données massives. Ah oui. Le projet est dirigé par Dr. Jacques Corbeil. Et il consiste à développer un instrument dont le développement a déjà commencé et à l'installer, petit instrument tout automatisé qui en fait piège au niveau du sol les composés organiques et les microbes. Oui. Qui sont dans une plaquette de 80 qui comprend 96 petits plis. Oui. En fait, il s'agit d'une plaquette de séquençage de Donc d'ADN. C'est une plaque effectivement avec des 96 petits trous dans lesquels 96 petits trous dans lesquels les micro-organismes vont tomber, vont être filtrés, analysés, séquencés et l'appareil va aussi enregistrer ces données et il va aussi mesurer ses propres conditions environnementales, la température, l'humidité et ainsi de suite. Donc, pour nous permettre de comprendre comment, au niveau de la microbiologie, les changements climatiques peuvent avoir un impact. Et on connaît très peu de toute cette biodiversité, ce qui n'est en fait pas vraiment mon domaine. Moi, je suis un spécialiste de pergélisol. Oui. Mais c'est pour nous l'opportunité, dans ce programme transdisciplinaire qui est Sentinelle Nord, d'aller chercher de pouvoir exploiter des idées de recherche nouvelles avec des instruments nouveaux. Et c'est ainsi que nous allons les déployer. Le projet consiste à les déployer un peu partout sur le territoire. Et pour le moment, il y en a un qui a été testé, un premier prototype qui a été testé cet été près de la station du Centre d'études nordiques à Coudjarapic. Et donc, ils vont être déployés où, en fait, parce que c'est vaste, on ne peut pas en mettre partout, donc ils vont être déployés où? Bien, justement, c'est là surtout que j'entre en jeu. C'est beaucoup dans le déploiement. Et j'ai proposé à Jacques, tout simplement, on va utiliser le réseau de stations du Centre d'études nordiques. Le Centre d'études nordiques dispose aussi d'un réseau de stations de recherche. On a des stations de recherche, on en a 5 au Nunavik, on en a deux dans l'Arctique canadien, mais on dispose aussi un peu partout de stations météo automatiques. Ah oui. Et des systèmes qui mesurent les températures dans les sols, dans le pergélisol, un peu partout. On en a à peu près 80. Ah oui, qui sont répartis dans ça commence dans la région de la Grande, de Radisson, à la baie James, et on va jusqu'à l'extrémité nord complète de l'île d'Ellesmere, le point le plus au nord du Canada. Donc, on se trouve à couvrir à peu près tous les grands biomes de la forêt boréale, la toundra forestière, la toundra arbustive, la toundra jusqu'au désert arctique, et différents milieux, des milieux secs, des milieux humides, et ainsi de suite. Donc, on a un pattern déjà qui couvre les biomes, les macrobiomes qu'on peut s'appeler, dans lesquels on peut on peut tout simplement chercher à regarder maintenant, dans ce grand contexte biogéographique-là, qu'est-ce qui se passe au niveau des microbes, au niveau des micro-organismes. Donc, faire une micro-biogéographie et voir dans quelle mesure la micro-biogéographie suit les patterns de la macro-biogéographie. Puis toutes ces données-là vont se croiser, j'imagine, même avec ce dont on parlait tout à l'heure, la présence de certains gaz ou pas, ou comment ça va évoluer. Donc, j'imagine peut-être que tout ça va se croiser. Va se recouper parce que vous avez des organismes qui, effectivement... préfèrent le méthane et d'autres qui n'aiment pas ça. Oui, certains respirent, certains se concentrent dans les petits lacs, comme les lacs de thermocarst, qui résultent de la fonte du pergélisol. Vous avez de la matière organique qui s'accumule dans les sols maintenant que le pergélisol fond à beaucoup d'endroits. Vous avez des changements de couvert végétal. Et vous avez le régime de climat aussi. L'épaisseur de neige qui varie, les températures qui changent, les conditions d'humidité. Donc, comment les micro-organismes vont réagir à ça? Au même rythme, différemment, selon des lois de biogéographie, des lois écologiques qui s'appliquent de la même façon ou pas. On va essayer de comprendre ça. Et on connaît tellement peu de cette biodiversité des micro-organismes dans le Nord. On connaît les mammifères, les plantes, mais là, les micro-organismes, on les connaît tellement pas. J'imagine qu'on va en découvrir, tout simplement. Oui, l'intention est d'en découvrir. Et l'intention est aussi, pour les chercheurs qui ont lancé l'idée de l'éco-puce, de l'éco-chip, c'est peut-être même aussi de trouver de nouvelles molécules. Des nouveaux composés, de nouvelles molécules grâce au séquençage d'ADN qui pourraient être à l'origine peut-être de nouveaux médicaments ou des choses comme ça. On va leur découvrir certaines fonctions qui pourraient nous intéresser dans des thérapies pour les maladies. On va en venir à votre autre projet parce que, M. Allard, vous êtes aussi chercheur principal du projet. Là, je vois vraiment que je lise le mot, là, les notes. Pituitsimanique. Pituitsimanique, voilà. Donc ça veut dire quoi, pituitsimanique? C'est supposé vouloir dire réseau. J'ai cherché un nom inuit pour le projet. J'ai demandé à une de mes meilleures amies inuit qui vit au Nunavik. Elle m'a sorti un nom phrase qui était très long. Je lui ai dit, c'est trop long. Puis, ça commençait par pituitsimanique. J'ai dit, peux-tu réduire? Ben, elle dit, dis pituitsimanique. Tout le monde va comprendre. Bon, j'ai gardé le nom. D'accord. Donc, ce mot-là, ce projet pituitsimanique, c'est réseau. Réseau, oui. Et c'est un projet, un réseau pour le suivi en temps réel des infrastructures et des écosystèmes nordiques. Oui. C'est ça? Donc là, on change un peu de domaine. On n'est plus vraiment pour regarder les petites bébêtes dans le sol. Là, on est plus dans ce que je fais, traditionnellement, l'étude du pergélisol, l'impact du réchauffement climatique sur le pergélisol, dont le dégel réparti dans l'environnement, l'augmentation des températures, change les écosystèmes en milieu naturel et en milieu bâti, en milieu humain, affecte les communautés nordiques. Ça affecte les méthodes de construction des maisons, la stabilité des routes, c'est les atterrissages, et ainsi de suite. Tout devient ondulé. Ça se déforme, ça s'affaisse, ça crée des tassements. Les gouvernements ont déjà commencé, particulièrement dans les infrastructures, à investir beaucoup d'argent pour adapter des techniques avec les ingénieurs d'adaptation des infrastructures pour empêcher leur dégel accéléré, pour assurer leur entretien, leur bon fonctionnement et leur sécurité aussi, surtout quand on parle de voies de transport ou de pistes d'avion. Ben oui, c'est ça. Donc là, quel genre de données vont recueillir ces capteurs-là? C'est beaucoup simplement des températures. Des températures dans l'air, des températures dans le sol, des épaisseurs de neige, parce que l'épaisseur de neige influence beaucoup le régime de température du sol. Oui, de neige le fait fondre. Ça arrive souvent le long des routes parce que la neige... Trop de neige le fait fondre? Oui. Oui. Pour beaucoup de gens, c'est contre-intuitif, mais la réalité, c'est que si vous avez de grandes épaisseurs de neige, le sol refroidit moins en surface en hiver. Donc, à long terme, vous augmentez la température du pergélisol et vous provoquez sa fonte. La neige est un facteur extrêmement important. Et d'ailleurs, il y a un projet entier de Sentinelle Nord qui est sur la neige aussi et les écosystèmes. Donc, également sur les routes, mais aussi sur tout ce qui est bâti. Et dans les villages. Dans les villages. Et notre projet, puis toute semaine, on a commencé par le village de Salouit. qui est un village où le sol est très sensible au dégel. Le pergélisol du sol contient beaucoup de glace. Il a déjà été affecté par un glissement de terrain en 1998, sachant. On est en train, avec le gouvernement du Québec et avec l'administration régionale Kativik et avec la communauté, on contribue à faire les plans d'aménagement du village pour choisir les meilleurs terrains à construire, ceux qui vont être les plus solides. C'est ça, ceux qui vont être le moins sujets à ces dégels de pergélisol. C'est ça. Et le ministère des Transports aussi du Québec a une route qui a été instrumentée sur le site que nous avons contribué à instrumenter parce qu'elle a été reconstruite à grands frais. Et on suit tout ce qui se passe. Et la route a un système de mesure de température par laser, qui est le unique au monde, qui mesure de façon distribuée la température à tous les mètres le long de la route. Oui. Et tous ces instruments-là étaient jusqu'à présent reliés à des systèmes d'enregistrement isolés, séparés, distincts. On les met avec ma collègue Leslie Roche, co-chercheur dans Pitot-Simanic. Nous développons un moyen de les réseauter, les faire communiquer entre eux par des signaux radio, par l'Internet, et de créer une base de données en temps réel pour fournir l'information, créer un genre de système d'alarme aussi sur les risques de glissement de terrain qui peuvent survenir, surtout en fin d'été, et ainsi de suite. Donc, c'était en quelque sorte développer pratiquement une communauté intelligente par rapport à son sol, par rapport à ses risques découlant du réchauffement climatique et de sa propre expansion. Et comment les Inuits voient tout ce développement, ces technologies qui rentrent dans la route, l'aide éventuellement qui leur vient du Sud, comment ils perçoivent ça? Est-ce qu'ils sont partie prenante dans le projet? Oui, ils suivent avec beaucoup d'attention, définitivement. Et ils sont très intéressés. Cette communauté-là, mais je dois dire toutes les autres à laquelle nous allons au Nunavik, et nous allons aussi dans un certain nombre au Nunavut pour différents projets, ils sont très intéressés parce qu'ils sont très préoccupés. Et je vous dirais que les leaders, les elders, les personnes les plus âgées voient ça avec beaucoup d'intérêt, puis nous encouragent à travailler avec leurs jeunes. Et de plus en plus, nous travaillons à intégrer les jeunes. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'avec ces développements technologiques, tout ça te communique relativement bien maintenant avec les moyens informatiques, avec des tablettes, par exemple, ou avec des téléphones intelligents qui sont en train de... Les réseaux sont en voie de développement dans le Nord. Et à ce moment-là, on va chercher la nouvelle génération par la technologie. Oui, c'est ça. Ils sont très intéressés et on les intègre dans ces problèmes. Exactement. C'est une façon aussi de contribuer à la formation des gens pour leur prise en charge de leurs problèmes. Et donc, j'imagine que toutes les données recueillies vont permettre d'une certaine façon d'anticiper des dégradations, de rendre les infrastructures plus résilientes aux changements qui se produisent dans le Nord. En fait, l'information sert ensuite à... elle est compilée dans des systèmes d'information géographique. Donc, nous allons les présenter, nous soumettons des rapports au gouvernement, nous proposons des politiques aussi de nouvelles méthodes de construction, d'aménagement de territoire. C'est une dynamique qui implique les communautés, les gouvernements régionaux, les gouvernements supérieurs. C'est pas toujours le lien direct là, de technique une application. Il faut arriver à combiner tout ça, alors, aussi. C'est un mouvement social. C'est ça. Il y a les observations brutes qu'on sort des capteurs, là, mais après, il faut mettre tout ça en commun dans une communauté humaine et politique, etc. D'accord. Bien, Monsieur Mallard, merci beaucoup de nous avoir expliqué donc ces deux projets auxquels vous participez. Je rappelle que nous étions en compagnie de Michel Allard, professeur à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique. On va faire une petite pause sur CKRL au 89.1 et au retour, on va s'intéresser aux personnes qui vivent dans le Nord et à leur santé. Merci.